La pluie avait fini de tomber. Les passants, réfugiés entre les colonnes du garde-meuble, s'en allaient. Des promeneurs, dans la rue Royale, remontaient vers le boulevard. Devant l'hôtel des affaires étrangères, une file de badauds stationnait sur les marches. À la hauteur des bains chinois, comme il y avait des trous dans le pavé, la berline se ralentit. Un homme, en paletot noisette, marchait au bord du trottoir. Une éclaboussure, jaillissant de dessous les ressorts, s'étala dans son dos. L'homme se retourna, furieux. Frédéric devint pâle. Il avait reconnu Des Lauriers. À la porte du café anglais, il renvoya la voiture. Rosette était montée devant lui pendant qu'il payait le postillon. Il la retrouva dans l'escalier, causant avec un monsieur. Frédéric prit son bras, mais, au milieu du corridor, un deuxième seigneur l'arrêta. « Va toujours, dit-elle, je suis à toi. » Et il entra, seul, dans le cabinet. Par les deux fenêtres ouvertes, on apercevait du monde au croisé des autres maisons, vis-à-vis. De larges mouroirs frissonnaient sur l'asphalte qui séchait, et un magnolia, posé au bord du balcon, embaumait l'appartement. Ce parfum et cette fraîcheur détendirent ses nerfs. Il s'affaissa sur le divan rouge, au-dessous de la glace. La maréchale revint, et, le baisant au front, « On a des chagrins, pauvre Mimi !»« Peut-être, répliqua-t-il. Tu n'es pas le seul, va !» Ce qui voulait dire, oublions chacun les nôtres, dans une félicité commune. Puis elle posa un pétale de fleur entre ses lèvres et le lui tendit à becqueter. Ce mouvement, d'une grâce et presque d'une mansuétude lascive, attendrit Frédéric. « Pourquoi me fais-tu de la peine ? » dit-il, en songeant à Madame Arnoux. « Moi ? De la peine ?» Et, debout, devant lui, elle le regardait, les cils rapprochés et les deux mains sur les épaules. Toute sa vertu, toute sa rancune sombra dans une lâcheté sans fond. Il reprit. « Puisque tu ne veux pas m'aimer !» en l'attirant sur ses genoux. Elle se laissait faire. Il lui entourait la taille à deux bras. Le pétillement de sa robe de soie l'enflammait. « Où sont-ils ? » dit la voix du sonnet dans le corridor. La maréchale se leva brusquement et alla se mettre à l'autre bout du cabinet, tournant le dos à la porte. Elle demanda des huîtres et ils s'attablèrent.